En partenariat avec le Centre de formation des musiciens intervenants, le CFMI d'Orsay, le Printemps des Arts de Monte-Carlo vous offre la musique expliquée aux aliens. Bonjour à tous et bienvenue aux auditeurs qui nous rejoignent à l'instant. Il est 16h03 et nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Premier Contact, l'émission qui prend contact avec nos amis de la planète Toutecton. Aujourd'hui, nous allons tenter d'expliquer quelques bases de musique ou toutectonien, les quatre paramètres du son. Et pour ceci, nous nous connectons avec Spocky, notre correspondant. Bonjour Spocky. Spocky, pouvez-vous expliquer à vos semblables que la musique est construite à partir du son et que ces sons peuvent être modifiés en jouant sur quatre paramètres principaux que nous allons vous présenter ? Thank you. J'espère que nos amis tout ectoniens auront compris les notions abordées aujourd'hui. Merci Spocky et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Premier Contact. Nous nous quittons sur ce si beau prélude de Monsieur Claude Debussy, La fille aux cheveux de lin, qui, j'en suis sûre, saura toucher les habitants de la planète tout ecton. Au revoir. C'était « La musique expliquée aux aliens », une série conçue et réalisée par les étudiants du CFMI d'Orsay en exclusivité pour la Radio Parfaite, la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo.